It's not my fault. I'm a nouveau américain. I'm a nouveau américain. It's not my fault. I'm a nouveau américain. I'm a nouveau américain. He's a nouveau américain. Métamorphose, changement d'une forme en une autre. Le dictionnaire ne dit pas si ce processus affecte l'homme. Et pourtant, un de mes amis fut victime de cette crise étrange. La semaine dernière, deux faits apparemment dissemblables agitaient sa maisonnée. Le vol de la voiture et la disparition du perroquet. En fin d'après-midi, ces deux énigmes se rejoignirent dans l'insolite d'un seul épilogue. L'automobile avait été retrouvé fracassé contre la vitrine d'une grainerie. Sur le siège avant, gisait le volatile baroudeur, le crâne éclaté. Ben, vous voyez, ces volailles n'ont aucun réflexe. Répétait le policier, fier de son humour. L'autorité faisait de l'esprit pour oublier un mystère insoluble. Six jours plus tard, de nouvelles perturbations hérissèrent le paisible foyer d'une huppe dufteuse. te moques de ton père, il te donnera une raclée. Peut-être, mais papa, il a plein de plumes partout. L'enfant ne mentait pas. Et la jeune femme découvrit son mari perché sur la télévision. Un bien curieux mari, d'ailleurs, au plumage intéressant. Elle crut rêver devant ce visage familier, au nez qui semblait se durcir en bec. C'est épouvantable! Qu'est-ce que tu as? J'ai envie de voler. Oh oui, papa! Décolle! Décolle! Oh, qu'est-ce qui nous arrive? Je deviens folle! Mais réponds! Depuis la mort de notre perroquet, je me sens tout chauve. J'ai l'impression que ma tête rétrécit. Un serin de poisson de plus en plus sombre. J'ai de nouveaux désirs. Ainsi, hier, je voulais des graines pour mon repas. George, ta voile! Oui, par moments, je ne peux plus la contrôler. Maintenant, ouvre vite la fenêtre. J'ai besoin d'air pour me soutenir. Il me faut quelques insectes. J'ai faim. Malgré son épouse qui tentait de s'interposer, notre Ika en herbe s'élança dans le vide. En tant qu'albatros, lui était encore un peu lourd et il s'écrasa à 30 mètres plus bas. Après une courte agonie, son corps reprit une apparence normale. Comme le perroquet. Thank you.

Flip this chart, respond. It's like I got a bomb tatted on my arm. Who runs lyrics like it's prism? That's refracted back to Pat Pterodactyl. The solution will unwrap you is capital A, capital B, C. Walk with me through the blocks and blocks of coma. Yo, I spit drama. Spark a lighter or a flare. I rep my whole faculty actually. By my side, not in back of me since the Pac tragedy. His Majesty. See what you see, what you see is so easy. See what you see, what you see is so easy. See what you see, what you see is so easy. See what you see, what you see is so easy. I got the combos locked, boxed in like a condo. Bo is doing mambos. The script I talk, I walk. So when I spit it, I ridded the wicked. Fuck with my stitches, fuck a fit. I throw a hospital, it's twisted. M dot, S-A-Y-Y-I-D, S-A, with S-A. Novel Broadway, Lion King, leave you lame and derived. Got the odd job, message. Hanun Blue, Jet Spray, International, AKA, address JFK. Bananas at the spot where I stay. Vanilla Dutchess, cats on crutches. 48 tracks with the axe to pat your back like, hey. Thank you.